ما هي إلا قلب وعقل ما يكفيهاش تبدأ. Dans le décor quotidien, les animaux des villes tiennent compagnie, traversent les rues et les pelouses. Je m'offre son chemin s'étend, le roseau se mise au vent. La mer a dansé. La vague des navigateurs solitaires, la terre en son sein, la vie des hommes. Ma hi illa qalbu wa aqlu ma yakfihash tibda. Je m'offre son chemin s'étend, le roseau se plie au fond, la pluie tombe sur moi. Vivent d'amour et d'eau fraîche, les poètes à la plus basse ne voient pas les seuls des oiseaux au lointain se déployer. Revenons à nos moutons, le loup dans la bergerie. Le roseau se plie au vent. Autrefois, j'écrivais sur le soleil et la lune. Je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Maintenant, c'est Vénus, le vent que j'aime entendre sur les volets sans lance au soir. Faisant chemins étendus, le roseau se plie au vent. La mer dans ses replis, les vagues des navigateurs solitaires, la terre en son sein. ما هي إلا قلب وعقل ما يكفيهاش تبدأ.